15-27 observations en révision et extension. Je voudrais des timbres. Combien en voulez-vous? J'en voudrais deux. Il reste des timbres? Oui, il en reste une dizaine. Elle fait du sport? Oui, elle en fait. Elle en fait beaucoup. Où y a-t-il une boîte aux lettres? Il y en a une à droite. Vous en avez deux dans la rue. Vous en avez une à droite. Vous allez en voir deux en montant. Il y en a deux là-bas. Il y en a quatre sur la place. Il y en a une dizaine dans la rue. Il y en a beaucoup dans le quartier. Il n'y en a pas ici.